Bonjour Blockbuster. Bah, écoutez, merci pour la qualité de vos émissions. Merci pour la qualité particulièrement de Twin Peaks. Twin Peaks, ça me rappelle encore une petite Madeleine de Proust, puisque dans mon petit village jurassien, je ne recevais pas malheureusement la 5. Alors je demandais à mes copains de collège de bien vouloir m'enregistrer cette série, et comme ça on pouvait en parler tous ensemble lors des récré. Il est interdit de critiquer Twin Peaks. En j'aime pas de Twin Peaks, il y a Peter Dinklage de Game of Thrones qui aime pas Twin Peaks. C'est dans un film qui s'appelle Ça tourne à Manhattan, où Steve Buscemi joue une espèce de David Lynch. Et Peter Dinklage demande pourquoi c'est un nain qui doit tourner dans un rêve. Pourquoi c'est forcément un nain qui doit tourner dans un rêve? Est-ce qu'il y a des nains dans vos rêves? Il est interdit de critiquer David Lynch. Ma bûche a vu quelque chose. Ah merde, en fait, quand c'est dit par un mec, ça prend tout de suite un sous-entendu grave jeu. Salut Blockbuster, merci pour votre émission sur Twin Peaks, c'était génial. Juste pour vous signaler qu'il y a un autre Twin Peaks à la française qui s'appelle Petit Quinquin. C'est à peu près la même série. Allez, bonne émission. To be or not to be, not to be. Vous avez vu à la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, les athlètes sont entrés sur des musiques de jeux vidéo, Final Fantasy, Monster Hunter, Sonic, j'étais comme un fou. Un sentiment de fierté absolue pour la reconnaissance d'une culture trop souvent stigmatisée. Ça y est, me disais-je, c'est un grand jour, on est officiellement devenu grand public. Bon bah ça a duré une journée, hein. Le lendemain on était à Asbin. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le président, s'est mis en scène lors de sa rencontre avec Eiichiro Oda, le créateur du manga One Piece. Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail, et Katsuhiro Otomo, le père du manga Akira, le crossover de l'impossible. Emmanuel Macron qui vante les mérites de One Piece, c'est comme si Charal se mettait à faire de la pub pour du tofu, ou je sais pas, comme si la télévision ou la radio française débarquait sur Twitch. C'est oh le coup de vieux. Si adolescent tu débarques chez toi avec un piercing dans le nez et un tatouage, fuck society, t'as pas envie que ton père te dise « Oh bah dis donc, c'est joli ça, ta mère et moi on peut se faire ça où ?» En voyant ça, Cyril Marchand, un des attachés de production de cette émission, est venu me voir tout sourire. Alors, monsieur Sigrist, avec vos émissions sur les mangas, ça vous fait quoi de faire de la publicité pour la culture d'État? Je lisais One Piece parce que je rêvais de devenir pirate. Purée, je suis devenu macroniste. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Sache que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Tu es au lit bien blotti, bourré de tranquillisants, dans le confort et le calme, agonisant sous l'effet de carcinogène que tu as personnellement vomi au cours de toute ta vie de profiteur. Tragique ironie ou licence poétique, à toi de me le dire, hein? Mon Dieu, c'est vrai. L'homme pingouin, créature des égouts. En 1989, la Batmania déferle sur le monde. À une époque où les super-héros ne trustent pas encore le box-office, Tim Burton réussit à réinventer la figure du chevalier noir au costume de chauve-souris. Pourtant, la pression des studios a été telle pour cette grosse machine qu'il a un sentiment d'inachevé face au film fini. Plus libre de ses choix artistiques, Tim Burton revient en 1992 avec un film incroyable, Batman Returns, Batman le défi en français, qui réussit autant à être un film de Batman qu'un film de Tim Burton. Pour revenir sur cette synthèse parfaite d'un auteur et d'une adaptation, j'ai à mes côtés Alexandra Ramos, bonjour. Bonjour. On vous retrouve. Eh oui, ça y est. Vous êtes community manager freelance spécialisée dans les comics, productrice du podcast Comme dans ta bulle, mais surtout, vous êtes une aficionado de Batman et de tout son univers. Complètement. Avec nous de retour également, Quentin Durand, bonjour. Bonjour. Alias Régis, le stagiaire des affiches. On vous connaît sur internet pour votre activité de détourneur d'affiches de cinéma. C'est ça. De retour aussi. Olivier Bénis, bonjour. Bonjour. Vous vivez carrément ici. Quasiment, hein. Quasiment, oui, on peut le dire. C'est ma Batcave. Mais voilà, c'est la Batcave. Vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter. Vous tenez aussi une chronique tous les mardis de l'année dans le 5-7 qui s'appelle La faute aux jeux vidéo. Ensemble, on va revenir sur cette Madeleine de Proust de l'histoire des films de super-héros. Comment Tim Burton a littéralement fait sien l'univers de Batman. On parlera bien évidemment des performances de Michelle Pfeiffer en Catwoman, Danny DeVito dans le rôle du pingouin, mais aussi celle de Christopher Walken. La musique envoûtante de Danny Elfman. On reviendra sur ce qui a fait de Michael Keaton un Batman si singulier. Cette conception du film de super-héros pourrait-elle encore exister en 2022, 2021? On va tenter de répondre à tout ça. To the Batmobile! Juste le petit Milo que j'avais envie de voir. Il fait frisquet ici. Je vais te réchauffer. Couchez, Oswald. Parlons tous les deux. Vous savez, vous et moi, on a quelque chose en commun. Il s'est un refrain connu. Notre boulimie de distinction. Notre mépris des empereurs de la mode. Attends, ne me le dis pas. Notre charisme sexuel pur et dur. Batman. C'est lui, l'épine dans notre flanc. C'est lui, notre poil à gratter. Ça te démange ? Ah, j'ai ce qu'il te faut, parfumé ou non parfumé ? Je reviendrai plus tard. Est-ce que, par hasard, tu es inscrit sur les listes électorales ? Je suis un maire en puissance, tu sais. Je n'adhère qu'à un seul slogan aujourd'hui. Bannir la bête. Ah, encore lui ? Pas de problème, c'est déjà de l'histoire ancienne. Regarde, nous allons désintégrer sa Batmobile et la transformer en bombage ambulante. Non, non. Il aurait encore plus de puissance en tant que martyr. Pour détruire Batman, il faut d'abord le transformer en ce qu'il déteste le plus. Autrement dit, nous. C'était un extrait de Batman le défi en version française et vous avez entendu Emmanuel Bondeville qui double Michelle Pfeiffer qui interprète Catwoman et Philippe Pétieux, oui, la voix d'Homer Simpson qui double Danny DeVito qui lui joue le pingouin. Quentin Durand, est-ce que vous pouvez résumer Batman le défi ? C'est très compliqué parce que c'est pas un film linéaire comme la plupart des films de Tim Burton. Résumer son histoire, c'est très compliqué parce qu'elle tourne autour de ses personnages et de ce qu'ils tentent de faire, à savoir tous se construire. C'est une quête, c'est trois quêtes personnelles. Mais après, pour résumer l'histoire, essayer de la résumer en tout cas, c'est Catwoman et le pingouin qui cherchent à détruire Batman, comme ils viennent de le dire. Alors que Batman, lui, reste dans sa Batcave et ne sort que pour les combattre. Et à Noël. Et alors, il ne faut pas oublier aussi la figure interprétée par Christopher Walken, Max Schreck, qui finalement est quand même le bad guy de l'histoire. C'est le vrai méchant, ce qui est absolument génial, parce que Tim Burton prend deux méchants emblématiques du bestiaire, puisque ce sont des animaux de Batman, et n'en fait pas vraiment des méchants, il les met sur un pied d'égalité avec Batman, et la vraie ordure qui n'a pas de justification, en fait, parce que le pingouin et Catwoman ont des raisons, des justifications pour leurs actions, Max Schreck, c'est juste une ordure politique. Et c'est le vrai méchant, et c'est le seul 100% humain qui va bien sûr dans le sens du discours de Burton, qui n'est pas nouveau, qui est que les marginaux, les monstres, entre gros guillemets, sont les plus normaux, et que les gens les plus à craindre sont les humains. Alexandra Ramos, en quoi à ce moment-là, Tim Burton se réapproprie totalement la figure de Batman? Parce qu'on sait vrai qu'on est assez loin des modèles de base. Le pingouin Oswald Cobblepot n'a pas grandi dans les égouts, n'est pas considéré comme un monstre. Et Catwoman aussi a un passif complètement différent dans le comics. Bah, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un travail d'équipe. Tim Burton n'était pas seul aussi. Les producteurs de l'époque ont mis Daniel Waters, qui a été un élément pilier dans l'écriture, notamment du pingouin. C'est lui qui l'a écrit de façon très aigrie, et sur Michelle Pfeiffer qui du coup interprète Catwoman, elle n'existe pas dans les comics. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre. Il a voulu créer un personnage hors du commun pour mieux l'insérer dans cet univers-là. Burton lui est arrivé à un moment où j'avais alors, lu qu'il était alors il faut bien préciser en... aux auditeurs que Selina Kyle existe mais pas sous cette forme. Exactement, mais cette Catwoman-là n'existe pas. Burton lui arrive à un moment où il est en dépression post-filmique. Le premier lui a fait beaucoup de mal. Il y a aussi le producteur John Peters qui a eu énormément de contraintes sur son travail. Donc lui décide de faire un film qui lui plaît, un film de pur plaisir batmanien. Il a eu énormément de lectures par un des producteurs, Michael Uslan, avec de très bonnes lectures, on en reparlera tout à l'heure. Et il fait d'un univers batmanien ce qu'il y a de mieux, en fait. Et un mix de comics qui est improbable. Olivier Bénis, racontez-nous en tant que spectateur votre première rencontre avec Batman Returns, Batman le défi. D'ailleurs, pourquoi ils ont appelé ça Le Défi ? Bah ça, c'est une très bonne question, mais ça, c'est l'éternel questionnement sur les titres français de films américains. Moi, c'est le tout premier film Batman que j'ai vu, en fait, parce que quand le précédent était sorti, j'étais encore un petit peu jeune pour aller le voir au cinéma. Oh, ça va, voilà, ça va. Un tout petit peu, pas tant que ça. Ça va, ça va. Donc j'ai découvert avec le deuxième, pour le coup, et ça m'a tout de suite... en gros, c'est vraiment le genre de film, et dans la filmographie de Burton, il y en a plusieurs, mais celui-là particulièrement, qui vous imprime des images dans la rétine tout de suite. C'est-à-dire que c'est un film où je pense que je suis capable de le reconnaître. Si on montre une photo, une image tirée du film, je reconnais les couleurs, je reconnais la manière d'utiliser l'image, ces espèces de grandes statues dans Gotham, un peu carrées et tout, la Batmobile qui est très spécifique, même le costume de Batman ne ressemble à aucun autre costume dans les films d'après. Et donc ça m'a complètement marqué. Le costume de Catwoman, matinée de SM. Également, totalement, voilà. Alors évidemment, j'étais donc un tout petit peu plus vieux, mais peut-être pas au point de comprendre toutes les références SM sexuelles qu'il y a dans le film, parce que ça c'est pas parce du que moi, il y avait ça à la maison beaucoup, donc j'étais plus vieux. Vous étiez en terrain familier, peut-être plus, je ne sais pas. Voilà, et c'est aussi ce qui a posé problème au film, au final. C'est-à-dire que du coup, Tim Burton a clairement lâché le côté grand public, le côté film pour enfants, pour se dire, je fais un film pour moi et pour les adultes qui aiment le personnage de Batman, qui est un personnage globalement assez sombre quand même, même si il a eu des époques un peu plus joyeuses, un peu plus colorées. Mais Burton est vraiment, en fait, il réussit parfaitement cette espèce de grand écart entre, c'est une adaptation de BD, donc c'est très coloré, ça flash, il y a des personnages très, pas caricaturaux, mais vraiment très très emblématiques. Et en même temps, il en fait quelque chose qui est un film où il y a plein d'interprétations, il y a plein de choses à en tirer, et c'est vraiment le public adulte qui est visé, au point que, par exemple, McDonald's, qui avait une grande campagne pour faire des figurines dans les Happy Meal avec Batman Returns, comme ils avaient fait pour le précédent, là, ils ont laissé tomber. Ils ont dit, non, on va pas présenter ça à des enfants dans leur burger. Alexandre Armand ? C'était aussi l'idée de toucher un public adulte, parce que quand Batman, le tout premier de Burton, a été créé, ça venait après toutes les séries télévisées des années 60, Batman qui 66, étaient kitsch, exactement. Et une des volontés, justement, du producteur Michael Slan, c'était « Je ne veux plus d'onomatopée ». Le powerhouse est fini, on y veut un Batman sombre, un Batman moderne, et donc toucher les enfants n'était plus nécessaire, surtout que dans la même période, on a l'excellente série animée Batman's Animated Series, qui arrive du coup aussi en 92. Ça permet d'élargir, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Batman est intergénérationnel, ça touche tout le monde, avec différents supports, qui est le film et la série animée. Et puis aussi, c'est la première fois qu'il va avoir dans les mains un blockbuster, les moyens d'un énorme film, fort du succès des Deux Romains d'Argent, où il ne voulait pas revenir, en fait, pour faire un deuxième Batman. Au début, il s'est beaucoup questionné. Oui, parce qu'en plus, on voulait lui imposer Robin, il y avait vraiment des desiderata très précis. Voilà, et fort de son succès, il s'est dit, non, cette fois, vu en plus ce qu'il a subi sur le premier tournage, non, je ne veux pas le faire. Et c'est quand il a reçu la deuxième version avec la deuxième Catwoman qui l'intéressait plus, et qu'on lui a dit, tu as carte blanche, non vraiment, parce que Warner avait des dollars dans les yeux en se disant, ça va être la Batmania 2, le retour, fais ce que tu veux, voilà le budget, fais ce que tu veux, qu'il s'est dit, je vais faire mon film avec ma Catwoman. Et donc, c'est pour ça que c'est autant un blockbuster qu'un film de Tim Burton, c'est parce qu'il a pu le faire, et c'est peut-être même la dernière fois qu'il a pu faire avec autant d'argent ce qu'il voulait. Ensemble, on va revenir sur cette Madeleine de Proust. Comment Tim Burton a fait évoluer son film. Mais pour l'instant, nous allons écouter l'un des plus beaux moments de cinéma jamais vu sur grand écran, ce slow entre Michelle Pfeiffer et Michael Keaton, Face to Face de Siouxsie and the Banshees. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robin Soradonac et notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. We'll be right back. Siouxsie and the Banshees, un des groupes préférés de Tim Burton. Il a d'ailleurs demandé à Danny Elfman de retravailler musicalement avec eux pour pouvoir les intégrer dans le film, dans Blockbuster, sur France Inter. Je préfère les personnages de Batman 2. Je les trouve plus intéressants et plus consistants. De fait, je me sens plus proche de ce film, plus investi. Telle est la scène stupéfiante qui, il y a quelques instants, s'est déroulée à Gotham Plaza. Le mystérieux pingouin a sauvé la vie de l'enfant de Monsieur le maire et s'est du coup présenté au monde. Je demande en échange qu'on me donne la chance de retrouver ma mère et mon père. La chance de savoir enfin qui ils sont et de ce fait qui je suis. Et ensuite, avec mes parents, j'essaierai de comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont dû se sentir obligés de faire à un enfant venu au monde avec ses différences. Un enfant qui a passé son premier Noël et plusieurs autres depuis dans les égouts. Monsieur Wayne, un problème? Non. Ses parents. Espérons qu'il les retrouve. J'adore ce moment où Michael Keaton, Bruce Wayne, semble être authentiquement touché par la détresse du pingouin. Alors, je resitue un petit peu pour les auditeurs qui n'auraient pas vu Batman le défi. En fait, le pingouin est né dans une famille riche, les Cobblepot, et dans l'ouverture du film, il naît avec une difformité et ses parents, effrayés par la nature de ce bébé qui a l'air de manger des chats, ils l'ont mis dans une cage et on le voit manger un chat à un moment donné, décident de le mettre dans un couffin recouvert comme Moïse et de le jeter dans les égouts. Et toute la scène d'ouverture, qui est absolument magistrale, où on est vraiment dans un film expressionniste total, suit le Moïse tout au long des égouts, jusqu'au moment où il arrive sous un zoo. Et il rencontre une famille de manchots qui décide de l'adopter un petit peu comme Mowgli. Donc on est vraiment, mais complètement dans l'univers baroque décalé de Tim Burton. D'ailleurs, on retrouve la figure du cirque et du cirque de Flix avec la femme à barbe, etc. Alexandra Ramos, il y a de ça dans Batman le défi. Exactement, il y a de tout ce qui fait la caractéristique de Burton aujourd'hui et c'est un énorme terrain de jeu pour ensuite l'étrange Noël de Monsieur Jack. Car finalement, ce film se passe à Noël et on a une impression d'Halloween en permanence tout le long. Et c'est du Burton aussi bien dans l'écriture des personnages où chacun a une dualité entre est-ce que je suis le bien, est-ce que je suis le mal, et finalement il n'y a même pas de réponse à la fin. Ou est-ce que je suis juste névrosé? Complètement, mais de toute façon, il est un adepte des gens schizophrènes et il aime beaucoup ça et même faut dans le décor. Attention quand on dit schizophrène parce que je sais que y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie qui disent non mais c'est pas la réalité de cette maladie, exact, oui. Donc il faut faire attention quand on le dit à ouais. l'antenne parce qu'après ouais. ne retourne pas les gens qui en souffrent vraiment. Mais exactement. Mais oui, donc Burton développe tout son art à travers Batman le défi, que ce soit, tu l'avais dit un petit moment, mais sur les hauteurs, tout est énorme. Il y a certaines parties qui est colorée, donc à l'impression un peu de cirque, et certaines parties très sombres. Et c'est aussi ça, Batman. C'est la couleur et le sombre, et il arrive à merveille à juxtaposer tout ça. Avec, là on a parlé donc du pingouin, un pingouin qui est complètement mais transfiguré à l'écran par Danny DeVito. Quentin Durand, on peut parler de l'interprétation de Danny DeVito, qu'on connaissait en plus en France à l'époque, plutôt pour ses interprétations aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans Jumeaux. Mais c'est la première fois de sa carrière, et peut-être une des dernières, il n'était pas connu pour ça, il sortait de à la poursuite du Diamant Vert. Le Diamant du Nil, Jumeaux, La Guerre des Roses qu'il a réalisé. Vol au-dessus d'Annie Coucou, où il a un petit rôle, bon, qui est évidemment pas une comédie, mais ça datait des années 70, ça remontait quand même. Il était surtout connu pour la comédie, il était dans des sitcoms aussi. Mais il a été choisi par Tim Burton parce qu'il trouvait que c'était le seul qui pouvait rendre acceptable l'immonde, vraiment le plus repoussant, et à raison, parce que ça c'est enfin, et puis il va au bout du rôle. Et puis il va vraiment au bout, c'est ce maquillage incroyable qui prenait des heures. Même l'intonation de sa voix, enfin, encore aujourd'hui, la scène d'introduction dont tu parlais, mais même la fin quand il crie mes bébés ou quand il s'effondre dans l'eau glacée, que les pingouins sortent derrière pour l'emmener dans son cimetière des pingouins sous l'eau. Alors attention, faut dire les manchots. Les manchots, pardon. Je vais pas arrêter d'être... Non, mais en plus, tu sais quoi, en plus, je suis comme toi. Je dis manchot, pas pingouin. Mais oui, où les manchots viennent pour l'emporter dans sa dernière demeure. Je trouve cette scène, mais d'une poésie, d'une force, d'une tristesse, c'est d'une puissance. Il y avait des enfants, des hommes de petite taille dans les manchots, et il y avait aussi des vrais manchots. Et sur le tournage, il était pas rare que les figurants disent les manchots étaient un chouïa trop affectueux avec nous, parce qu'ils pensaient qu'on était des vrais. Et on devait rester des heures et des heures à côté de ce manchot qui se disait, mais pourquoi il répond pas à mes avances, lui? Il y avait aussi des mécaniques créées par Stan Winston pour la scène de l'invasion de Gotham, où ils ont tous un radar sur la tête et des lance-missiles, accessoirement, bien sûr. C'était très osé aussi de la part de Tim Burton de prendre Danny DeVito, parce que c'est quelqu'un qui a une tête sympathique, Danny DeVito, tout simplement. C'est quelqu'un qui a l'air sympa et rigolo. Et dans ce rôle-là, avec, alors, il y a le maquillage qui joue beaucoup, mais il y a vraiment la force de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il peut être, il peut passer en deux secondes d'un personnage grotesque, un peu rigolo, un peu hilarant, à quelque chose de terrifiant. Il y a cette scène où il est avec un conseiller en communication, un moment qui lui parle et qui lui fait une blague, genre, ah, donc dans les égouts, il n'y a pas de miroir. Pour se moquer de lui parce qu'il est moche et tout. Et là, lui, il commence à rire avec les autres. Il dit, ça pourrait être pire, je pourrais pisser le sang par le nez. Et là, il lui bouffe le nez, littéralement. Et d'un seul coup, on est passé vraiment d'une scène un peu, avec une blague un peu idiote, quelque chose vraiment de purement comique, à quelque chose de parfaitement horrible. Et tout le monde se remet ensuite au travail en mode, c'est bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, parce que tout le monde essaie d'ignorer cet aspect monstrueux, parce qu'ils veulent croire à son histoire un petit peu de gentil orphelin abandonné. Alexandra Armos. Alors ça, pour le coup, dans les comics, c'est complètement du pingouin, où à tout moment, il est très caractériel. Donc, c'est-à-dire qu'il va écouter ses émotions, donc il peut, à un moment donné, gérer sa bande de petits mafieux, parce que lui, il dirige ça pour être un peu le super gang s'il y arrive jamais. Et s'il y a quelque chose qui se passe mal, il sort son parapluie, qui est son arme ultime, et il le tabasse à mort. Et juste après, il va vouloir prendre son petit thé parce qu'il doit parler. Donc c'est vraiment l'homme d'affaires avec un ténèbre profond en lui et qui est très bien caractérisé dans le film. Bah dans le comics, c'est d'ailleurs le personnage du pingouin et réagit vraiment comme une sorte de miroir diabolique de Bruce Wayne. Ils ont eu à peu près la même enfance dorée, etc. Il est très jaloux. Très jaloux de Bruce Wayne. Exactement. Et justement, le fait qu'il veut devenir maire de Gotham n'est pas rien. On sait que Batman détient Gotham comme si c'était son enfant et qu'il a la main mise sur les ruelles, notamment la nuit. Lui, c'est exactement ce qu'il veut faire. Donc d'une part, en ayant de la mafia et en ayant de pouvoir gérer un petit peu tous les autres vilains quand il y arrive. Et d'une part, d'être en situation politique pour avoir cette ville et lui dire finalement tu n'as plus rien, tu n'as plus la ville, tu n'as plus ce qui te définit, c'est tout est à moi. Et il y a Michael Keaton qui avait déjà tourné avec Tim Burton sous les traits de Beetlejuice, qui avait joué dans Batman 1 et qui est un acteur qui a soulevé beaucoup de polémiques quand il a été choisi pour Batman, Quentin Durand. Oui, après j'ai envie de dire, quel acteur n'a pas soulevé de polémiques quand il a été choisi pour le rôle de Batman, un peu comme James Bond, à chaque fois tout le monde a son avis sur la question. Mais effectivement, il n'est pas spécialement musculeux, il n'est pas spécialement grand, il n'est pas large. Et puis, il était surtout connu pour ses rôles de comédie, notamment dans Beetlejuice. Donc, tout de suite, imposé comme ça, comme il a fait pour le premier Batman, et puis le récupérer ensuite pour le 2, Michael Keaton, oui, ça a créé, bien sûr, bien des polémiques. Il était beaucoup moins bien accepté au début que, par exemple, Jack Nicholson en Joker. En Joker. Ce qui est marrant, c'est que ça s'est un peu inversé après, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense Michael Keaton, on pense Batman, des rôles un peu sombres, ou Birdman d'ailleurs, alors que c'est un acteur comique absolument génial, Michael Keaton. Faut revoir, Beetlejuice. Multiplicity aussi, où il est formidable. Quel film. Où il joue trois ou quatre rôles différents, il me semble. Mais et aussi Jackie Brown, de Quentin Tarantino, dans lequel il est excellent. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à de nombreux acteurs qui se sont emparés de Batman, on le disait hors antenne, et qui demandent toujours à avoir plus de temps sur eux, plus de dialogue, etc., Michael Keaton est un des rares à avoir demandé à ce qu'on lui ôte des lignes de dialogue, parce que pour lui, Bruce Wayne n'avait pas besoin de se raconter et Batman devait rester mystérieux et devait être plus une présence. Et c'est ce qui explique aussi que il a vraiment un temps d'écran égal et peut-être même inférieur à celui des vilains du film, parce qu'il l'a lui-même demandé. Ça ne lui posait pas problème parce que c'est un lecteur de comics complètement, contrairement à Tim Burton qui lui, on lui a imposé des lectures, notamment Michael Hulslan lui a donné les Detective Comics numéro 27 à 39, le cycle de Denny O'Neill et Daniel Adams. Voilà, c'est comme ça qu'il a pu créer les choses. Un cycle très bon aussi de Steve Englehart qui est un cycle très court mais où Batman révèle son identité. C'est un peu aussi ce qu'on nous montre dans le film. Et Michael Keaton, lui, connaît les comics. Je pense qu'il connaissait Batman et qu'il a envie de respecter ça. Et je pense qu'il a eu peut-être le flair en se disant ce film-là va être un tournant. On était à un passage cinématographique sur Batman très important. Et il sait aussi que Batman, ce n'est pas que Batman. C'est la Bat-Family, c'est les Bat-Vilains, c'est une ville, c'est un univers très étendu. Et tout est montré dans ce film-là, il l'a respecté. On va continuer de s'extasier devant le talent de Tim Burton, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito et Christopher Walken. Juste après, The Liminianas et Laurent Garnier avec Soul. Et j'en profite pour remercier Guillaume Roux au mixage et Mathias Salléon à la technique. Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. C'était Soul de The Liminianas et de Laurent Garnier. Voilà, Juliette a décidé de partir avec eux. On leur souhaite bon vent. Blockbuster. Je ne sais pas pour toi, Miss Kitty, mais moi, je me sens tellement plus miaou, miaou. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Vous l'avez compris autour de cette table, on aime vraiment beaucoup Batman, le défi Batman Returns. Mais figurez-vous qu'il y en a, Batman Returns, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. De quoi s'agit-il ? D'un film qui a tous les ingrédients pour réussir et qui est mal construit. Ça a la légèreté, ce Batman, cette chauve-souris d'un hippopotame. C'est quand même tragique quand ça coûte ce prix-là. Au niveau souplesse de mouvement, ce n'est pas encore ça. Il a l'air toujours aussi rigide se baladant avec un vrai balai dans le cul. Côté gag, il y en a d'excellents et d'autres traînent. Bon, et ok, il y a quand même quelques défauts. Les méfaits du pingouin se résolvent à chaque fois en quelques secondes, grâce notamment au brouillage de fréquents par DJ Alfred. Tu sais pas comment il a récupéré les plans de la Batmobile, ni comment ils parviennent à désactiver le bouclier. Batman défonce le sol de sa caisse d'un simple coup de poing comme si c'était du balsa alors que le machin est blindé. Catwoman fait exploser le magasin Shrek et tout reste impeccable pour le bal du lendemain. Et j'ai toujours trouvé marrant dans ce genre de film que les yeux du héros soient maquillés en noir, tout autour là. Noir qui disparaît dès qu'il enlève le masque. Et la grande scène érotique du film, c'est-à-dire Catwoman, elle le caresse, voilà. Comprenez-vous, c'est à écarter tous les enfants, c'est turcite, c'est scène. Non, non, vraiment, c'est un coup de pétard mouillé, on peut le dire. Un mauvais moment à passer. Alors, je vous pose la question autour des soi-disant incohérences de Batman le défi. Je sais que Tim Burton s'était exprimé sur Edouard aux mains d'argent quand on lui posait des questions. Mais comment il avait fait, Edouard, pour avoir ce bloc de glace dans son jardin? Et il avait dit, si vous vous posez ce genre de questions, c'est que j'ai raté mon film. C'est vrai, bah, les films de Tim Burton, ce sont des contes quand même. Et surtout, en plus, Batman le défi, qui, à mon sens, est le centre de sa trilogie de Noël, juste avant Edouard aux mains d'argent. Enfin, il y avait Edouard aux mains d'argent, et juste après, il a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'il n'a pas réalisé, c'est Henry Selick, mais c'est son histoire. Danny Elfman a écrit les chansons, chante la voix de Monsieur Jack, donc la méprise est compréhensible. Et les personnages principaux, que ce soit Sally, Catwoman ou Edouard, sont rapiécés, suturés, habillés de noir. Hein, quand même, il ne faut pas oublier qu'Edouard aussi a une tenue noire moulante avec des coutures, et n'est pas qualifié de SM. Donc, pour moi, Catwoman n'est pas, même si elle a un fouet, c'est parce que c'est Catwoman et que c'est un chat, et que c'est surtout le symbole, toutes ces coutures, du cherche qu'elle, de sa psyché qu'elle a essayé de, elle cherche qui elle est, comme dit le pingouin, comme tous les persos de ce film d'ailleurs, qui cherchent qui je suis. Voilà, c'est un peu la trilogie de la nuit, Noël et les sutures. C'est ces trois films-là. Et c'est pour moi, à mon sens, c'est meilleur. Et voilà. C'est vrai qu'il y a une dimension de conte qui est très très forte dans Batman le défi. Il y a même un moment du film où on convoque le joueur de fifre de Hamelin avec ses enfants comme ça qu'on enlève dans ce train qui est censé retourner aux égouts. La filiation avec le conte, le conte qu'on raconte aux enfants comme ça, les contes de Grimm et tout ça, et assez porté, Olivier Bénis. C'est souvent le cas dans tous les films de Tim Burton, parce que c'est un conteur, hein, avant tout. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu sourire quand on parle d'incohérence, y compris dans Batman le défi, parce qu'on a envie de dire, oui, c'est pas grave, en fait. On n'est pas là pour chercher à comprendre comment le pingouin a réussi à trafiquer la Batmobile. Ou pourquoi il a un gros canard qui roule. Voilà, ou même pourquoi Catwoman pète un câble, ou des choses comme ça. Enfin, c'est juste que Tim Burton, en fait, a besoin de ses personnages, a besoin de ses prétextes, a besoin de ces choses pour faire avancer l'action, parce que lui, il veut raconter son histoire, et il veut surtout raconter ses personnages. Donc ce qui l'intéresse, c'est même limite pas tellement le scénario, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est le scénario, en fait, il est pas hyper intéressant. Si on le met par écrit, il a pas grand intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est comment cette histoire va porter les personnages, va les faire évoluer, et comment Tim Burton va nous présenter sa galerie de monstres, un petit peu sa galerie de personnages un petit peu rigolo, un petit peu étrange, pas forcément rigolo, et comment il les rend, il les transcende, quoi. Comment il, et justement, parlons de cette galerie de personnages et de monstres qu'il transcende, et notamment de Michel Pfeiffer, Alexandre Ramos. On l'a gardé un petit peu plus tard dans l'émission. Mais c'est quand même, c'est un voyage à elle toute seule, cette actrice et ce rôle. C'est mon coup de cœur, c'est elle qui me marque le plus. Quand je pense à ce film, quand je ne l'ai pas vu un petit moment et que les images sont un peu floues, c'est elle qui me marque. J'ai une grosse figurine d'elle chez moi. Ce qui est assez fou, c'est qu'elle n'était pas prévue. Ce n'était pas elle qui devait jouer le jeu. C'est un cauchemar d'ailleurs pour l'actrice qui logiquement devait jouer Vicky Vale dans le premier. Exactement. Oui. Et qui s'était blessée. Oui, c'est ça. Alors, celle qui, oui, s'était blessée, celle qui devait interpréter Catwoman Annette Bening, une grossesse, et donc du coup elle arrive comme ça, moi je m'imagine à sa place, ça va être compliqué, une sorte de pièce rapportée où c'était pas vraiment moi, et c'est pour ça qu'elle a une implication assez forte. Elle a fait énormément de séances de sport, elle s'est préparée mentalement, notamment j'avais pu voir et confirmer, elle dit une phrase au pingouin, je vais tuer tes manchots, pour lui un peu faire peur et pour tes oiseaux, les petits oiseaux. Les petits oiseaux, c'est ça. Elle s'est entraînée, elle a mis une fois, pendant 30 secondes, un oiseau dans sa bouche, qu'elle a retiré, elle a détesté ce moment, et elle a préparé son rôle, elle est pour moi le symbole le plus fort de Catwoman, n'étant même pas représentative des comics. Dans le film, elle représente la revanche d'une jante masculine énorme, notamment avec le gros méchant finalement du film. C'est l'imagerie SM. Alors c'est choquant, mais ça serait pas choquant du tout aujourd'hui. Et au contraire, c'était précurseur montrer du SM avec du Batman. C'est fou. Et il y a aussi des subtilités sur les rapports hommes-femmes et qui nous parlent particulièrement aujourd'hui à l'aune des luttes. Des luttes féministes, quand elle rentre chez elle toute seule, qu'elle nourrit son chat et qu'elle écoute le répondeur et qu'elle entend cette relation avec un copain qui lui dit bah écoute Célina, mon thérapeute m'a dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, et sa réaction c'est de dire oh, j'aurais dû le laisser gagner au squash, et c'est des petites phrases, on est en 92, mais qui sont énormes. Quand elle veut donner une suggestion dans la réunion, tout le monde la regarde en disant mais vous faites du bon café, point. Exactement. Et en fait, c'est des scènes avant qu'elle devienne vraiment Catwoman avec le costume et tout. En fait, on comprend qu'elle l'est déjà. Elle a déjà la puissance, elle est plus intelligente que tous ces mecs qui l'entourent, elle est plus forte, elle est plus maline, et c'est ce qui finira par causer sa perte. Mais voilà, il y a déjà ça. Et le moment où elle a le déclic, c'est vraiment le moment où en fait elle dit, ok, ça suffit maintenant d'être étouffée par ce patriarcat, par cette jante masculine, je vais tout exploser et je vais même aller complètement dans l'opposé. Et donc elle devient cette femme archi-puissante, limite caricaturale. Alexandra Ramos. Justement, c'est l'idée du film, l'idée de Burton, c'est que pour accéder au costume, pour porter ce costume, son premier costume qui est soi doit être un chaos intérieur pas possible. Et c'est aussi ce qu'elle est pendant tout le début du film. C'est pour ça qu'elle arrive à changer complètement, parce que sa vie d'avant était catastrophique et qu'elle se supportait pas. Il y a d'ailleurs ce passage qui est vraiment juste du cinéma, et vraiment c'est à ça, quand les gens souvent écoutent Blockbuster, ils se disent mais bon, c'est un film parmi tant d'autres, pourquoi il mérite qu'on en parle plus longuement qu'un autre. C'est que par exemple, il y a vraiment des histoires de cinéma. Quand elle est dans sa chambre avec ses néons marqués Hello there, bienvenue ici, et que après sa transformation elle casse le haut et que ça se transforme, c'est l'enfer ici. C'est juste une invention visuelle mais qui fonctionne. C'est du cinéma. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de note d'intention à juger. Juste du cinéma et la beauté d'une image. C'est du cinéma et c'est du comics aussi, parce que finalement, Burton fait des cases. Il fait des cases, il fait des pleines pages, il fait comme si c'était une BD qu'on feuilletait. Quentin Durand. Sa transformation, c'est pour moi à égalité la plus belle scène du film avec la naissance du pingouin. C'est la naissance des deux super méchants, en fait. Et c'est ça qui fait qu'ils sont plus intéressants d'ailleurs que Bruce Wayne, je trouve. C'est que sa transformation. On va y venir. Je suis pas totalement d'accord avec vous. C'est un autre débat. Alexandra Ramos, si vous pas d'accord. Mais cette musique incroyable sur laquelle elle se transforme, concentre absolument tout l'ADN du film et toute la raison pour laquelle, à mon avis, Burton fait le film, et c'est cette scène. C'est aussi pour ça qu'il en fait une secrétaire. Il a dit qu'il voulait la mettre dans la relation. Assistante de direction. qu'il voulait la mettre dans la position sociale la plus inférieure possible, donc à savoir à l'époque une secrétaire écrasée par son patron qui n'a pas le droit au chapitre, pour que sa transformation fasse, comme tu disais, tout voler en éclats et qu'elle cherche à se rapiécer avec des coutures. Dans cette scène-là, et l'association, justement, elle réécoute son répondeur quand elle revient d'entre les morts et elle entend sa mère qui lui dit c'est pas comme ça que tu vas attraper un homme pour faire ta vie, etc. C'est ça qui lui fait complètement péter les plombs et mixer ses peluches et tout casser chez elle. Cette scène, c'est la catharsis du personnage et du film pour moi. Avant d'attaquer la dernière partie de cette émission, Djoubaka, notre programmateur musical au swag légendaire, nous offre Relax de Reggie Snow. Et franchement, c'est une invitation à faire des folies de son corps, ce morceau. All discreet, the box is where I'm scoring, the comfort free she rock, the berries berries are black and they wholesome. The cherries are curled, you know me. My Humpty that boob is enormous. She cut me off, the fangs is out. My looking and pout, she rubbing my foot. I'm geeking out. You know that I'm stupid, I'm crazy in love. Buffing my baby, she's searching for blood. I'm reaching in sus, so taking my time. I'm rolling, extending that clip on my side. Circulation, stimulation. I seen it relaxing her hair for that jaw. Relax, relax, relax, relax. The grappling stars and grappling me. The ba ba ba, the black boy sheen. Relax, relax, relax, relax. The girls is out, the sun in my eyes. The black is rich, they jockin' their style. Hey, hey, oh, when they hangin' over your shoulder, acting like they own you, that raspy, they selling you. Just tell them, relax. Yeah, yeah, relax. Yeah, but can we only try and warn you? If we don't stay on you, they might just end up in front of you. I told you, my relax. Yeah, the skin is black, you need to relax. The styles of hair, you're made to retract. The braids are French, the language I rap. The beauty is soft, the panties are one beard down, call me a flirt. Here's how I feel, hands in the dirt. Drinking my water, clutching her purse. Call me a robber, I'm at the church. Relax, relax, relax, relax. The grappling stars and grappling me. The king of pop, a quick R.I.P. Relax, relax, relax, relax. Perm yourself, relax my on wax my bank bills on Goldman Sachs my quit acting, you ain't sack my. You must be smoking broken mama backs, crack rock, paper, scissors, cutting open slow motion like a just got a GoPro, heart attack flow. Those all got flat lines when the verse is over going eh, or or relax, my the killer. Relax, I got seven figures. Relax, I'm is the difference. Relax, I'm not being sus, I'm just speaking facts. Oh, you said you went to Peru? Okay. You went there with who? Oh yeah, for sure. That totally sounds like it happened. I'm happy you're happy, man. I hope that you're happy. I hope that you're happy, man. Do what makes you happy. C'était Relax de Reggie Snow dans Blockbuster sur France Inter. Discours sublime, Oswald. Mon nom, c'est pas Oswald. C'est pas un goin. Je ne suis pas un humain, moi. Je suis seulement un animal. Un animal à sang froid. À fond, la climate. Où sont mes listes? Qu'on me donne les noms. Ah, l'heure a sonné. Ce sont les noms des fils aînés des familles du Gotham Gotham. Comme moi, je le fus jadis. Et comme moi, un horrible destin les attend désormais. Ce soir, quand leurs parents s'amuseront, eux, ils feront de beaux rêves dans de jolis petits Moïse sous des couettes bien moelleuses. Et nous, nous les kidnapperons. Nous les emporterons dans les égouts et les enfouirons dans une tombe noire, profonde et boueuse. Pingouin, dis donc, tuer des gosses pendant leur sommeil, c'est pas un peu... C'est énorme! Quel pingouin grandiose, Danny DeVito. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière dans l'émission quand on a parlé de Bruce Wayne et la manière dont Michael Keaton a dépeint son Batman. J'aimerais, Alexandra Ramos, que pensez-vous du Bruce Wayne de Michael Keaton? Finalement, dans ce film, on voit plus Bruce Wayne que Batman. Et c'est un très bon Bruce Wayne. Et j'ai l'impression que cette envie de découvrir l'identité de ce milliardaire, c'est très répandu. Ça s'est fait un petit peu avec Christian Bale, ça se veut beaucoup avec Ben Affleck, où certains disent que c'était peut-être un meilleur Bruce Wayne que Batman. Pas d'accord. Moi aussi. et moi, je pense que justement, Michael Keaton est un meilleur Bruce Wayne, parce que ce n'est pas seulement la facette milliardaire où chaque soir il change de fille. Non, c'est la facette solitaire d'énormes réflexions sur pourquoi il fait ça, pourquoi il doit porter le masque, et aussi de l'observation. Il est dans l'observation, mais c'est ce qu'il fait quand on le retrouve devant son grand écran à regarder où il peut aller, parce qu'il y a énormément de crimes partout à Gotham. Ça reste un humain qui, avec même si des moyens financiers importants et des moyens techniques importants, se retrouvent face à des monstres. Et c'est un peu là l'idée du film aussi, c'est comment en tant qu'homme, je réagis face à deux monstres en pleine puissance et naissance. Et ce que j'adore avec le Bruce Wayne de Michael Keaton, et vous confirmez ou vous affirmez, c'est qu'il a l'air perpétuellement en décalage, il a l'air perdu au milieu de son manoir, il a l'air perdu dans la ville, c'est-à-dire qu'en fait, le côté civil de Bruce Wayne, on sent qu'il est complètement inadapté, parce qu'en fait, cet enfant, Bruce Wayne, est resté coincé dans cette ruelle. Il n'est que Batman. Et donc, en fait, tout le reste, c'est une forme d'énorme inadaptation. Il est dans une maison trop grande pour lui, et il n'existe, il ne prend finalement que quand il met son masque, et finalement, c'est son Bruce Wayne qui est le masque, et pas Batman. Batman, c'est ce qu'il est. Et en fait, je trouve que Michael Keaton, il incarne ça dans ce décalage qu'il peut avoir dans les rapports. Il est un petit peu maladroit, quand il mange avec Vicky Vale dans le premier, dans un salon, il dit, je sais même pas si je connais cette pièce, ou ce genre de choses. Quand Alfred lui amène de la vichysoise, il mange, mais c'est froid, ça se mange comme ça, et il continue de manger, comme s'il était complètement inadapté à la vie normale. C'est tout à fait logique, parce que dans les comics, souvent, quand il doit avoir une vie normale, et il peut pas, parce qu'Alfred l'appelle, ou il a le bat signal envoyé par Gordon, il ne le fait pas. Donc il manque énormément de pans de vie, que nous, en tant qu'humains, c'est classique, d'aller au restaurant, de se promener main en main avec sa copine. Il n'est pas habitué à ça, donc quand il se découvre face à ça, c'est un nouvel homme, et c'est un retour à l'enfant, mais enfin, c'est un gros bébé, Batman. Je t'aime. C'est intéressant que tu dises que nous, en tant qu'humains, parce que c'est un humain, mais en fait, humain en culotte la nuit. C'est ça que je trouve intéressant, et surtout dans ce film-là où ça parle d'hommes, enfin mi-hommes, mi-animaux. La réplique où Alfred lui dit « Devez-vous être le seul homme animal de Gotham City ?» Quand il cherche sur le pingouin, il semble lui dire « Faut vraiment que tu trouves quelque chose sur ce mec-là. Il a le droit d'être... vous pouvez être deux, quoi. Il y a aussi le fait qu'il se reconnaît beaucoup, en fait, dans les monstres. Contrairement au premier, où vraiment le Joker était un adversaire, c'était vraiment... puis ils vampirisaient tout. Ils vampirisaient tout. Jack Nicholson était vraiment à fond dans le film. Là, vraiment, le Bruce Wayne de Keaton, on sent qu'il cherche... Il y a cette scène dont on parlait tout à l'heure, quand il est devant la télé et qu'il voit le pingouin qui lance un appel et tout ça. On sent qu'il est touché par ça, et surtout, on voit que ça le renvoie à son propre deuil, que lui, il a pas fait non plus. Pareil pour Catwoman, il essaie tout de suite de comprendre c'est qui, pourquoi elle fait ça, il essaie vraiment d'identifier. Et le pingouin, il est même... on sent qu'il est presque triste de se rendre compte qu'il est méchant, en fait. Il se dit, j'ai envie d'y croire, moi, à ce truc-là. J'ai envie de croire au fait que lui, effectivement, c'est un monstre physiquement. Et d'ailleurs, il y a une belle réplique du pingouin dans l'affrontement final où le pingouin lui dit, tu es jaloux parce que moi, je suis un vrai monstre et toi, t'es obligé de mettre un masque. Et d'ailleurs, c'est un grand résumé de Batman. C'est-à-dire que Batman espère le mieux, mais se prépare toujours au pire. Et c'est ce qu'on voit avec ce film. C'est-à-dire qu'il espère que le pingouin retrouve ses parents, mais il se prépare à voir l'émergence d'un nouveau super-vilain. Exactement ce qu'il a pu faire en bande dessinée quand il échafaude des plans pour éliminer même les gens qui travaillent avec lui dans la Justice League, parce qu'il se dit, on sait jamais si l'araignée se retourne dans la tête de Superman, faut pouvoir l'arrêter. Et puis il a une relation particulière avec sa bande de vilains, c'est que il veut les enfermer, il a cette volonté de tout le monde, que tout le monde soit sur Arkham, mais il y a des comics où par exemple un dernièrement que j'ai lu sur sa relation avec Poison Ivy, Poison Ivy est enfermée dans une prison où elle n'a aucune lumière et donc du coup elle est en mal-être parce que elle a pas de plantes, elle ne peut rien faire sans luminosité. C'est entre guillemets l'éco-terroriste qui contrôle les plantes et qui se plaint de la pollution des hommes. C'est ça. Et donc en fait à la fin de la case, on se rend compte que c'est Batman qui a proposé une plus grande pièce dans cette prison avec la luminosité, où il lui dit bah voilà, c'est pour toi. Il fait pareil avec le pingouin, où il le met un peu plus à l'aise, où il a une relation hors prison avec une femme où il est amoureux, et donc du coup il va permettre une meilleure relation. Il le fait tout le temps parce que il a aussi besoin de Batman, n'est rien sans ses vilains. Puis il y a cette scène fabuleuse à la fin où il essaye de sauver Catwoman en enlevant, déchirant son masque, en lui disant Selina, c'est bon, on peut arrêter, t'es pas obligé de faire ça, ça peut s'arrêter là. Vient et elle lui dit non, quoi, vivre dans ton manoir, devenir femme au foyer, ce serait pas moi, je me supporterais pas. Il essaye quand même de lui tendre la main pour, même si ça lui convient pas à elle à ce moment-là. Il veut pas forcément l'enfermer, même le pingouin. Enfin, à chaque fois, il essaye d'aider les deux quand même dans le film. Mais il faut dire que cette histoire sentimentale entre Batman et Catwoman a perduré depuis le commencement de la bande dessinée. Et aujourd'hui, l'apothéose est même arrivée, vu qu'ils sont désormais en couple. Oui, enfin, il y a eu le fameux mariage Batman-Catwoman, mais qui ne s'est Bon, j'espère que je ne spoilerai pas. Mais bon, il s'est pas fait, c'est impossible qu'il se marie. Mais il y a toute cette idée de Batman et Catwoman, cette idée possible que est-ce que ces monstres, est-ce que ces hommes costumés peuvent avoir une vie normale? Est-ce que c'est vraiment des hommes ou est-ce qu'ils doivent passer leur temps à faire ça? On se rend compte que finalement c'est leur choix de vie, c'est leur mode de vie et qu'ils peuvent pas faire autrement. Et alors on a parlé évidemment de toutes ces figures de monstres, mais on n'a pas parlé suffisamment du véritable monstre. Et là pour le coup il y a une vraie critique sociétale et politique qui est Max Schreck, qui est en fait un industriel qui est déjà richissime et qui décide de construire une centrale nucléaire qui va absorber l'électricité au lieu de la redistribuer, juste pour avoir plus de bénéfices, pour mettre son fils à l'abri. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que non seulement il a déjà tué, mais qu'il continue, et que son fils lui-même est au courant. Et on est vraiment dans une caste qui fait ce qu'elle veut, qui s'affranchit des lois, et qui, à la limite, bon, bah, tout d'un coup soutient le pingouin pour l'emmener à la mairie, mais si jamais le pingouin est discrédité, bah, hop, on le laisse se débrouiller tout seul. Il y a quand même là-dedans une critique féroce d'une certaine forme de libéralisme un peu prédateur. Hein. Oui, et encore une fois, c'est une énorme inspiration des comics parce que les vilains les plus violents, c'est la mafia, c'est Carmine qui tue réellement des gens avec toute sa bande. Et là, c'est exactement le cas. Et on sait aussi que Burton a un peu un avis social, un avis politique à chaque fois, et c'est la parfaite représentation. Il a caressé l'idée de faire un 3, ce qui a été refusé après parce qu'il a trop fait ce qu'il voulait sur ce film et que Warner a paniqué en voyant ce truc beaucoup trop gothique pour eux. Il voulait aussi ramener du Robin et re-ramener les enfants. Oui, mais il voulait que Max Schreck, électrocuté à la fin, devait devenir double face dans une version du scénario. C'était tellement logique. Ça aurait été génial. Ouais. Mais bon. On arrive à la fin de cette émission. Alexandra Ramos, Quentin Durand, Olivier Bénis, merci d'avoir évoqué Batman le défi. J'espère qu'on a donné aux éditeurs l'envie de revoir ce film ou de le voir. Vous pouvez nous laisser un message sur Batman le défi, ou même le premier, ou même les autres, au 01 56 40 30 20, ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. C'est qui ça? C'est quoi ça? Je sais pas s'il faut ouvrir le feu ou s'il faut tomber amoureux. Pauvre mec, toujours en train de confondre vos pistolets et vos parties. Ne nous fais pas de mal, ma jolie, on ne gagne plus que 300 impôts déduits. C'est encore trop payé, cassez-vous. Demain dans le Blockbuster, le groupe préféré des fleuristes et des chasseurs. Un musicien slash guitariste slash quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Un chanteur qui était à une figure de patinage près de s'appeler Lutz, mais que ses paroles préféraient appeler Axel. Un groupe aussi nerveux que Francis Lalanne, mais qui n'a jamais été contre l'idée de se mettre des produits chimiques dans le sang. Demain, on parle de Guns N' Roses. France Inter.